cette voix, c'est fidèle, fidèle te résiste trop souvent, pour les sangliers, centre le roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus, les entrées, entrées des rois de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus, pour les entrées, entrées le roi de gloire. Ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Les rois de gloire, sa majesté, ah, tais toi ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Pour les sauveurs des mondes, rien pour l'homme des douleurs, pour les sangliers, il est entre le roi de gloire. Ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse le roi de gloire, majesté, hâte-toi, ne tarde plus. Oh, laisse le roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi, lui, alors, des véritables bonheurs, où les entrées, le roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire, majesté, hâte-toi, ne tarde plus, pour les entrées, entrer le roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Les entrées, entrées de roi de gloire, Dieu le même, fais-toi ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce, sans compte d'être, compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis ta présente main, pour les entrées, les entrées, le roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Les sangliers, donc le roi de gloire, majesté, à toi ne tarde plus, pour les sangs-cris, les enfants, le roi de gloire. Ouvre Jésus, ouvre ton cœur à Jésus, les sangs-cris, les enfants, le roi de gloire. Majesté, hâte-toi, ne tarde plus. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, en toute humilité, nous nous approchons de ton trône, croyant que tu es Dieu de vérité, Dieu de l'Amen, Dieu de toute consolation, Dieu riche en miséricorde, Dieu plein de bonté, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Jéhovah de miracles, c'est toi qui conduis merveilleusement ceux qui se confient en toi, en toute sécurité, et qui ne permet pas que leur pied heurte mon Seigneur, et tu les délivres de tout piège, de toute tentation, de chaque épreuve, de toute difficulté, il y a des secours appropriés. Descends ce soir, et communie avec tes enfants, le peuple du Dieu vivant. Communie avec nous en profondeur. Débarrasse-nous de nos péchés, de nos culpabilités, des choses vaines que nos oreilles ont entendues, des choses vaines que nos lèvres ont prononcées. Nous venons au flot du sang, à la fontaine du calvaire, pour être baignés et nettoyés, pour être proprement nettoyés, en profondeur, pour que nous paraissions devant Jésus-Christ sans tache, ni d'or, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Reste que ta gloire se manifeste encore, comme tu l'avais fait au commencement et au jour d'autrefois, quand Israël marchait après toi, il a fait de grandes merveilles, des miracles innombrables, et si grands et de prodiges, et le même jusqu'à présent. Conscience repose en tes mains. Ta grâce est sur ton secours. Ô Père, conduis cette réunion, conduis la prédication. Je me mets de côté, Seigneur. Dieu qui travaillait, traité avec nos âmes, toi qui connais la profondeur de cœur, les besoins les plus intimes, et tu as de quoi pourvoir. Nous regardons à toi et toi, que tu consoles chaque âme, et que tu nous secours efficacement. Car le secours de l'homme n'est que valide. En toi se trouve le vrai bouclier, la véritable sécurité, valable pour l'éternité. Conduis ce moment pour l'intérêt de chacun, pour bénir chacun, au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Josué, chapitre 10. Nous prenons le verset 5. Et puis nous sauterons à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Cinq rois des Amoriens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmouth, le roi de Lachish, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Bongomi kondimitano na Babola, mekondi na Yerusalemu, pemu kondi na Ebolani, pemu kondi na Yete Muki, pemu kondi na Lakisa, pemu kondi na Ezolani. Bayanga nisaki, basoda na bangope, babotaki na basoda na bango yoso. Bangope, basalaki molako, liboso na jibona pe, basalaki etonga na yango. Versets 10 à 14.

Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à la table du Seigneur dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est aussi votre maison. L'église du Dieu vivant. Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Et nous tiendrons ferme grâce à lui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre la prédication de l'évangile par l'occasion qui nous est offerte par le Seigneur. Espérant que chacun de vous se porte à merveille. Chacun de vous se sent bien. Il est fort comme l'exige sa foi. Vous avez besoin de la bonne santé. Abraham dit, comment serez-vous un meilleur soldat? Malade. Donc, pour être meilleur soldat, vous devez être en bonne santé. Les soldats maladies, on les déclasse. Bon, mais la grâce de Dieu existe. Elle peut fortifier le faible. Elle peut guérir le malade. La foi doit être opérationnelle. Notre foi doit travailler comme il se doit. Alors, nous avons parlé dimanche de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, le résultat final, l'aboutissement final du ministère de Jésus-Christ. Après qu'il ait élevé l'Église pendant des siècles, pendant des décennies et des décennies, il avait un programme, un dessin, qui est déjà écrit dans la Bible, et que seuls les élus prédestinés peuvent dire, parce que la révélation est scellée parmi les disciples. Parmi les disciples, il est scellé là-bas, parmi les disciples. Dieu cache ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les révèle à ses enfants. Alors, Jésus-Christ est venu la première fois, il a travaillé sur le territoire d'Israël, et il avait dit, je n'ai été envoyé que vers le premier de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il n'est pas allé exercer son ministère en dehors du territoire. Que le ministère de ce temps-là était destiné essentiellement à Israël. D'abord, Israël bénéficie et la Samarie à côté. Mais les nations non juives, non samaritaines, gentils, avaient une promesse. Et la promesse est de Luc 17. Voyez là. Il est dans Luc 17. Il en sera de même dans ce qui s'est passé au jour de l'autre. Qui s'est passé au jour de l'autre. L'autre n'était pas, ne vivait pas sur les territoires d'Israël. Il ne vivait pas sur les territoires promis à Abraham. Il était déjà nettement séparé. Abraham était de son côté. Il était sur les chaînes de marais. Autour des Cananéens là-bas. Mais l'autre est allé à Sodome et Gomorrhe. Un territoire de pêcheurs. Mais Les événements qui se sont passés là-bas devaient se reproduire à l'avènement du Fils de l'homme. Et là, on devait distinguer trois groupes. Comme ce fut le cas au temps de Sodome et Gomorrhe. Il y avait Abraham, le groupe qui représentait les élus, les membres de la véritable Église de Christ. Et puis, il était à part, en dehors de le mouvement religieux organisé de l'époque. Abraham vivait à l'écart. L'autre était mêlé avec ceux des organisations, avec des croyances trinitaires. Mais en dehors de ces deux groupes-là, les groupes d'Abraham avec Sodome, on a vu la promesse de la venue du Fils, c'est le type du retour de Jésus-Christ, le Fils promis qui va revenir. Et vous et moi, nous avons reçu cette promesse. Jésus-Christ reviendra pour nous. Amen. Donc là, c'est le premier groupe. Spécifié en ce temps. Abraham avait cette lettre. Et dans notre temps, avec un certain Billy Graham, avec un nom qui avait Billy Graham, mais on a connu aussi un autre messager important, William Marion Branham, dont chaque portion du nom porte sa lettre. Tout comme Abraham, c'était sa lettre. Et la terminaison, c'était H-A-M. Ça veut dire père, multitude. Ok. L'un, Abraham, Dieu l'a établi père de la foi. L'autre, Branham, Dieu l'a établi restaurateur de la foi. Et la foi qui doit être restaurée, c'est celle de fils et de filles d'Abraham. La semence épouse de Christ. En ce temps de la fin, les types ne mentent jamais. Suivez la vérité dans les types. Parfait. Donc l'un, Abraham, Dieu l'a établi, notre père à tous, père de la foi. L'autre, William Branham, Dieu l'a établi, messager qui vient ramener la foi des enfants à leur père. Et les questions bibliques étaient posées dimanche, en partant dans l'ordre d'idées de l'Église. Quand le Fils de l'homme viendra, rouvrera-t-il la foi sur la terre? La question était posée. En d'autres termes, Apocalypse 10, verset 7. Sera-t-il accompli en ce temps? En d'autres termes, est-ce que Malachie 4, verset 5 existe? Sera-t-il accompli en ce temps? Les questions sont pertinentes. Quand ce sont des questions bibliques, nous avons dit qu'à chacun la réponse que Dieu lui révèle. Il y a un débat avec un voisin, un ami et connaissant. Si Dieu ne lui révèle pas quelque chose, ça restera tout mystérieux pour lui. Car dans la Bible, ça demeure une question. À chacun la réponse, mais la meilleure réponse est celle que Dieu a révélée à chacun des disciples de la parole. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Alors, en dehors des deux groupes, le groupe d'Abraham, qui était l'église élue, le type de l'église élue, un prophète majeur, un grand prophète, promis. Il y a le groupe de Lot, qui était l'église froide, où les vierges endormies, où les vierges folles, hein, qu'il faut quand même juste d'une certaine manière. Dieu le compte aussi comme des justes d'une certaine manière. C'est le deuxième groupe. Mais le troisième groupe, c'est des sodomites, les allées de Gomorrhe, les homosexuels, les pervers, les grands pécheurs, des grands pécheur et bon Dieu. J'avais déjà évoqué son passage il y a quelques deux jours passés pour illustrer l'état spirituel des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Dans Genèse 13 ici, les versets 12 et 13, Abraham habita dans le pays de Canaan. Voilà la différence territoriale. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. De là, n'habitent pas le même territoire. Ils se sont séparés ici dans le chapitre 15. Et Abraham est allé du côté de la terre promise. Parce qu'il était un croyant de promesse. Et de même, vous aussi et moi, nous sommes les enfants de la promesse de Dieu. Nous devons nous mettre à l'écart. Nous sommes un peuple à part. Nous ne nous mêlons pas à tout le monde. Nous sommes séparés. Dieu nous a séparés. Il ne veut pas faire quoi habiter la lumière dans les ténèbres. Dieu sépare tout ça. Et il l'a fait en ce temps pour nous. Que son nom soit exalté. Maintenant, verset 13. Les gens de Sodom, du côté où était allé Lot, étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Pas des petits, hein? Pas des ministres, mais c'était des grands pécheurs. Alors, vous avez ici les trois groupes. Abraham, dans sa territoriale, à Cana, la terre de promesse. Lot, dans sa territoriale, Sodom. Mais les gens de Sodom, qui n'étaient pas l'autre, l'autre est venu comme un étranger, il a vécu parmi eux. Mais les autochtones de là, les gens de Sodom, qui n'étaient pas l'autre, les gens de Sodom étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais qu'en était-il de l'autre lui-même? Le Nouveau Testament qui fait le pont, qui fait le lien avec cela, nous parle clairement de l'autre. C'est la cité de lui. 2 Pierre chapitre 2. Le verset 4 à 8. Mais bon, vous pouvez prendre tous les détails chez vous. Verset 4 à 8. Oh, mais ce qui concerne l'autre, c'est ceci. Verset 6 à 8. S'il a condamné, parce que la partie n'a pas aussi des états de Noé, ça risque d'ouvrir beaucoup de passages. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donna comme exemple aux impies à venir. Voyez ce que Dieu a fait contre Sodom et Gomorre. C'était un exemple prophétique. Montrant que ce qu'il a fait, Dieu le répétera encore. Parce que les impies à venir. Les impies qui viendraient après le temps de Sodom et Gomorre. Ils subiront la même rigueur des châtiments. Un châtiment exemplaire. Parce que personne n'échappe. Et s'il a délivré Lot, le juste, Lot n'était pas un grand pécheur comme les gens de Sodom, mais Lot se distingue, la Bible l'appelle le juste. Il n'était pas l'élu, mais il était le juste. J'ai dit amen à la vérité. Répétons ce que la Bible enseigne. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Verset 8. Car ce juste L'autre, ce juste. Qui habitait au milieu d'eux. Il habitait au milieu d'eux. Nous l'avons dit. Il n'était pas une personne de là. Il est venu comme un habitant là-bas. Ce n'était pas sa ville d'origine. Ce n'était pas sa ville d'origine. Il n'était pas originaire de là. Romain n'était pas son pays d'origine. Mais il y est venu comme habitant. Et lui, il est venu interjuste. Bénisse-toi le Seigneur. Il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Mais voilà. Dieu a distingué Lot d'avec les sodomites. Et le Gomorrien. Parce que Dieu l'a considéré comme injuste. Il n'était pas un élu. Mais il était injuste. Mais Abraham était un élu. Et l'ami de Dieu. Il a pu communier avec Dieu. La colonne de feu est venue chez Abraham. L'ange du Seigneur est venu chez Abraham. Le même ange du Seigneur qui était chez Branham est venu aussi à nous. Parce que l'ange du Seigneur est dans son message. Vous croyez que c'est la vérité? Ouais. Il est dans son message. L'ange du Seigneur est dans son message. Dans la prédication, un temps de décision. Il a dit, l'ange du Seigneur est dans son message. Et il fait la cour à l'église. Il courtise l'église. Il manifeste l'amour. Il témoigne les bontés du Seigneur. Il accomplit des miracles. On met l'église dans les eaux profondes de la parole. Dans les secrets de vérité de Dieu. Et vous êtes défié à la source. Vous mangez comme des aigles. Avec l'homme mais Dieu lui-même communie avec nous. Nous communions avec lui. Et vous communiez avec nous. Et ensemble, nous sommes dans une sainte communion. Le même Dieu qui a visité Abraham d'une manière exceptionnelle nous a visité par le ministère de William Branham et continue à visiter son propre jusqu'à présent. Avez-vous confiance que la promesse est de Dieu? Voici je suis avec vous. Matthieu 28, verset 20. Le Seigneur qui l'a dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore complètement arrivée. Mais nous sommes encore en train d'accumuler des jours. Mais il a promis qu'en chacun de ces jours-là, pas seulement au jour 13, même en vos jours à vos églises, même Branham ne sera plus sur la terre. Et tant que vous l'église, vous êtes là, le Seigneur a dit, je suis avec vous. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. 28, verset 20. Les deux, le même je suis. Dans les deux promesses, c'est le même je suis. C'est le même Dieu immuable. C'est le même Dieu qui ne ment point. Il dit amen à la vérité. Croyez-vous qu'il peut marcher au milieu de nous? Oui. La promesse est encore ici. Dans Colossiens chapitre 6. Je voudrais que vous le voyez et que vous sachiez. Il est fidèle à chaque mot de vie. Et ne soyez pas inconscient. Prenez conscience de la présence. De Corinthiens 6, il a dit, ou bien c'est, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le peuple du Dieu vivant. Oui, nous les sommes, je le crois. Mais Dieu ne va pas délaisser son temple. Vous laissez vivre son temple. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est la promesse, n'est-ce pas? Oui, Daniel, il n'y a pas que Matthieu 18. Il y a aussi Matthieu 28. Vous allez faire Il a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il n'a pas promis d'habiter au milieu des calomniateurs. Il n'a pas promis d'habiter au milieu des ouvriers d'iniquité. Il n'a pas promis d'habiter au milieu des commerces. Les spécialistes de commerce. Les chirurgiens des bassins. Mais il a promis d'habiter au milieu de son peuple. Il l'invoque comme Dieu. Disposez-vous pour être utilisé et agréé par Dieu. Abandonnez tout ce qui est impur. C'est ce qu'il dit ici au verset 17. Sortez du milieu des habitants de Sodome. Les habitants de Gomorrhe. Nous ne pouvons pas continuer à courtiser le péché. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le même Dieu a promis ici dans Joël au chapitre 2. Comprenez l'importance de cette promesse. Verset 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Le Gélec, le Yazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez, voilà le verset 37, là où je voulais en venir, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Israël, c'est son peuple. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, c'est la vie de l'Anga de Sini, de Kelele, Kondia Yango, de Kelele Oyo, et Kokumbaka, Ye Oyo, Akoye Bisaka, Akobe Bisaka, Ye Oyo, Akoyo, Akokataka, Yango, et Bolo Monene, Nanga Oyo, Nasinda Kikat Nabino, Bokondia, Kondia Mingi, Penda Tobo Kotonda, Boko Sanjo Lampe, Pombo na Yawe, Zambe Nabino, Ye Oyo Asali Makambo, Nako Kamwa, Napino inongo, batorongaite, baku, roki sama, soni nikusu te. Buko eba eke ngayi na jali kati na ito lele, eke ngayi yawe na jali, zambe na bino, masusu wa jali te. Batorongai, baku nyoku, baku roki sama, soni nikusu te. Dieu a fait ses promesses, elles sont certaines, elles sont véritables, elles doivent s'accomplir en notre temps. Premièrement, c'est la restauration complète. Je vous remplacerai, ou je vous restaurerai toutes les années, je vous les restaurerai, je vous les restituerai, parole de l'Éternel. Celui qui parle est le créateur des cieux de la terre. Il n'y a au-dessus de lui personne sur l'autorité. Il n'y a au-dessus de lui aucun opposant. Ni contre lui, ni contre lui. Il est Dieu de sa parole. Et il fera ce qu'il a dit. La restauration totale. La restauration complète. Vous avez droit à ça. C'est une promesse que Dieu a faite à tout le monde. Pour vous qui craignez ce nom. Pour vous qui vous séparez les sécurités. Pour vous qui quittez les sécurités. Quand quelqu'un peut craindre le Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. Vous ne devez pas collaborer avec les sécurités. Avec les ouvriers de l'iniquité. Mais séparez-vous de l'iniquité. Sanctifiez-vous. Beaucoup de temps. Voyez ça. Votre Dieu est votre Père. Et comme les enfants obéissent, vous ferez ça. Maintenant, il a promis d'abord la restauration complète. Et dans la restauration complète, il y a la nourriture spirituelle. Parce que Dieu dit, vous mangerez. Vous mangerez quoi? Le repas que lui-même vous servira. Que lui-même vous servira. Celle que Dieu veut que vous mangez. Il a promis ça ici. Vous mangerez. On va vous rester mal nourri. Et ça sort encore des malades. De l'hypovitaminose. Pas de trouble là. On a la carence en protéines. On a des troubles lipidiques. Voilà, Azangi, qu'on va la navalifier, mais vous tenez bien. Oh, tout ça non. Non, ça va la Dieu dit, vous mangerez. Vous rassasierez. Vous ne serez pas des petits mal mouris. Voilà, vous avez la terre, la terre, la terre, la terre. Comme ça, vous regardez ces enfants-là qui souffrent du malade. Voilà, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez. Ils ont les cheveux qui ont tendance à être tout noirs, là. Mais ils se cassent si facilement. Voilà, vous allez pour vous, là, la pété. Parce qu'il y a un problème. L'alimentation est déséquilibrée. Il est, la peau est bizarre. Voilà, vous allez voir, vous allez. Vous allez pour fonda. Les yeux s'enfoncent. Voilà, mais vous allez pour jour la roue. Voilà, ma chambre. C'est vraiment bizarre. Voilà, vous allez penser à ma tête pour ça la bouée. Parce qu'il ne mange pas bien. Vous allez pour les autres qui sont de quoi chorgoler. Vous voyez là. Vous tout petit là, vous le verrez sur le de l'hémorroïde. Vous allez pour. Les mythos pour ça sort. Voilà, excusez l'expression. Mais tout petit, un ventre bédonnant, un visage, oui, il devient comme un pembé, comme un pembé, mais pembé, il y a malade, il est pâle, Soyeux, c'est devenu comme des cheveux. Les azots. Voyez ça. Bizarre, hein. Tout ça parce qu'il ne mange pas bien. Quand tu regardes de l'autre, il dirait que c'est un beau gars. Mais quand tu approches, oh là là, ce petit ventre là, les petites circulations anormales qui apparaissent. Les petites veines sont visibles. Les veines n'ont pas de bonnes sens. C'est un ventre malade. Voyez, oui. Mais l'église, c'est Dieu, a reçu la promesse de manger. La carte, là, vous ne mangerez pas de vomissures comme les ennemis. Qui mange et se nourrit à la table des théologiens, les philosophes et les citoyens, et vous mangerez ce qui est bon. La pire parole, la parole sèche, il y a de vitamines et de protéines en quantité équilibrée. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Il est celui qui prend soin de son frère. Vous ne croyez pas ça? Il est celui qui prend soin de son frère. Il a dit, vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Et puis vous célébrerez. Le nom de l'Éternel, votre Dieu. Il aura fait pour vous de fleurir. Il est toujours le même Dieu de miracle. Donc dans la nourriture que vous devez manger, ce n'est pas la parole en discours seulement. L'évangile en parole seulement. La nourriture que l'aigle de Dieu doit manger. C'est la parole démontrée. Avec des miracles authentiques. Le Seigneur venait de Dieu. Qui accompagne la parole. Comme aujourd'hui sa porte. Quand Jésus tout arrivé au ciel. Quand il montait au ciel. Qu'est-ce que la Bible a dit? Les disciples s'en allèrent. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole par les miracles et l'accompagnait. Non pas qui accompagnait les disciples, mais le miracle qui accompagnait sa parole. C'est merveilleux comme ça, non? Donc, par les miracles qui l'accompagnent, le Seigneur confirme sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Ça ne veut pas être des miracles contraires à la parole, contraires à la vérité enseignée, contraires à la vérité biblique, mais c'est des miracles conformes à la parole. À travers lequel vous lisez la parole démontrée, la parole manifestée, témoigne à la fidélité de Dieu. C'est ça la nourriture qu'il faut. C'est ça que les aigles de Dieu, les lus de Dieu, les groupes des cellules. Dans l'église, c'est pour ça. Qui sera levé pour ce que cette épouse doit manger. Pas seulement l'évangile en parole seulement. Des théories tout court. La parole accompagnée de miracles. Qui confirme la parole. Alors chaque fois qu'un miracle se produit, la question des aigles de Dieu, toujours celle de savoir. Bon, des fois on raconte et ça c'est bien, les gens c'est merveilleux, c'est bien, mais la question fondamentale est celle de savoir, ce miracle là confirme quelle parole. Il s'accorde avec quelle vérité. Parce qu'il existe des miracles mensongers. Car la manifestation de cet impie arrivera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. Pour pour la séduction de ceux qui périssent, pour n'avoir pas reçu l'amour de la pérission, pour être sauvés. Voilà pourquoi aussi Dieu leur envoie une puissance dégagement afin qu'ils croient en ma chose. De sorte que tous ceux qui n'auront pas aimé la vérité, mais qui auront pris plaisir à la justice, ils soient condamnés. Vous voyez que Dieu ne blague pas. Il a écrit ça il y a des années. Il est vivant pour le confirmer. Donc ceux qui n'auront pas aimé la vérité, la Bible dit là-bas qu'ils périront. Mais ils ne manqueront pas de miracles. Il n'y aura parmi eux de prodiges et de miracles, de signes et de miracles. Mais ce ne sont pas des miracles véridiques, ni des miracles de vérité. Mais ce sont des miracles mensongers qui amènent les gens à croire les mensonges, des théories non confirmées qui ne sont pas de la parole. Oui. Et dans Matthieu 24, au verset 24, le même Saint-Esprit à travers Jésus-Christ nous a prévenu pour ce dernier jour. Il a dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des miracles et des prodiges au point de séduire. Mais cela était possible même les élus. Et je vous dis que les élus sont gardés par la semence. Aucun élu ne sera séduit, aucun élu de Dieu ne va blasphémer contre le Seigneur, aucun élu de Dieu ne c'est en enfer. Par le plan de l'élection de Dieu, ne peut pas échouer. Il doit diriger sa propriété. Par Dieu les a élus. Comme Paul a dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 12, nous devons à votre sujet, bien aimé du Seigneur, rendre grâce à Dieu, parce qu'il nous a choisi, dès le commencement, par la sanctification de l'Esprit, pour la foi de la vérité. Qui dit amen? Dieu nous a choisi, non pas pour croire le mensonge, mais pour croire la vérité. C'est ça le programme de Dieu. C'est ça le plan du salut de Dieu. Pour les élus bien-aimés, il ne vous a pas choisi aujourd'hui. Ce n'est pas après votre baptême que vous avez choisi. Vous avez cru le message. Mais vous avez pour la foi en la vérité, par la sanctification de l'Esprit de Dieu. Qui dit amen, qui doit se réjouir, et les élus de Dieu doivent se réjouir. Ils sont dans la salle. Ah, c'est de la bonne nouvelle, source de joie et de consolation. Il dit, béni soit mon Dieu, il me fait une grâce exceptionnelle. Une génération perverse à Dieu, entouré des impies et des méchants, mais il me met à l'écart. Il me sépare de leur sort. Il me traite avec mon âme. Il veut me nourrir lui-même. Des vrais miracles, des miracles, des vérités. Des signes prodiges de vérité qui viennent accompagner la parole, qui viennent pour confirmer la vérité. Alléluia. Amen. Moi j'aime Dieu tous les jours. Je l'aimerai à jamais. Gloire à Dieu. Maintenant, si les restes des hommes subiront ce sort-là, c'est parce qu'au-dedans d'eux, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils sont membres d'église. Ils aiment les églises. Mais ils n'aiment pas la vérité. Au contraire, en commentaire sur 2 Timothée chapitre 3, le verset 20, Les commentaires qu'avait fait le prophète Yohanan sur ce verset-là, et Timothée chapitre 3, nous l'avons puisé dans la prédication, besoin du temps de la foi. Comme on l'a entendu là, le réprouver en ce qui concerne la foi. Dieu a promis que dans les derniers jours, les réprouvés la viendraient. Leur foi n'est pas agréée de Dieu. N'est pas reconnue par Dieu. N'a pas de fondement scripturaire. Que Dieu reconnaisse. Leur foi n'est pas surnaturelle. Son nom rentre donc une foi intellectuelle. Mais il viendrait ayant l'apparence de la prière. Et Dieu les a déjà rejetés. La prophétie nous a dit, ne va pas collaborer, ne va pas communier avec eux, ne cherche pas des terrains en tant que pour plaire à Dieu, éloigne-toi de ces hommes-là. Quand tu t'éloignes, Dieu t'approuve. Ne te montre pas plus gentil que Dieu. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. C'est toi qui vas le sauver. Le sauveur a dit qu'il les a désapprouvés. Doit faire son chemin avec Dieu. Avance avec la parole. Tiens-toi à la vérité. Ne perds pas ton temps dans les choses. Que Dieu te bénisse. Toi qui as la foi là. Que Dieu te bénisse. La foi scripturaire. Que Dieu bénisse ta foi. Et pour ta foi authentique, Dieu a promis la restauration. Une restauration complète. Accompagnée de la nourriture spirituelle. Toujours dans la restauration. Accompagnée des miracles et des prodiges. Par Jéhovah des miracles, le même Dieu, accompagné de la présence de Dieu dans son peuple, pour que son peuple, lui, ne soit plus jamais dans la communauté. C'est Dieu qui décrète ça. Et mon peuple à moi ne sera plus jamais libéré de l'emprise de Babylone. Pour marcher dans la lumière de la lumière du soir. Comme a dit Esaïe, vers le soir, la lumière paraîtra. Nous y sommes maintenant. Louange à Jésus-Christ. Dites gloire au Dieu de l'homme. Voilà. Comme il est écrit dans l'Écriture, je m'écris gloire à Dieu et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Les forces obscures, les puissances du mal, ils sont à tes trousses en train de te couvrir. Alléluia. Sois délivré de ces ennemis. La puissance de la parole est telle que Dieu te délivre dans la sécurité. Il ne s'agit pas de gymnastique. Il s'agit de la foi en action. Dieu parle et ton âme croit. Le miracle se produit. Alléluia. Amen. La foi toute simple. Et Dieu fait des grandes choses. Dieu ne change jamais. La foi authentique produit les résultats. Dans l'immédiat. Ici même. Tu peux terrasser ton ennemi. Là où tu es assis. Maintenant même. Si tu crois, tu verras la gloire. C'est l'évangile qui a dit ça. C'est l'évangile qui te gâte. Mais tu peux laisser la paix ici. Je m'écris gloire à Dieu. Je suis délivré de mes ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui. La foi en action. Dieu l'a a promis de confirmer sa présence. Parmi nous. Confirmer. Il est là. Vous saurez que je suis au milieu des gens. Gloire à Dieu. Vous saurez que je suis au milieu. J'habiterai au milieu. Je marcherai moi-même au milieu. Et vous saurez que je suis au milieu du Seigneur. Le Dieu de la restauration. Le Dieu des apôtres. Le Dieu des chrétiens. Il ne change pas. Il est même maintenant encore. Pour faire de grandes choses. Dans la simplicité. Dans l'humilité. Il fait des choses et il répond au prix. Écoutez. La phase finale de son ministère. Je vais lire dans la prédication. Tournez les regards vers Jésus. Je ne sais pas si la technique a la version de la voix de la traduction de Suisse. Je ne sais pas si vous avez aucune idée. Lausanne, frère Alexis Barigny, cette traduction-là. Ça m'est venu comme ça. Et j'ai essayé de regarder s'il n'y a pas. Les programmes qui sont ici, il n'y a pas cette. Là aussi, il n'y a pas. Mais. Je vais lire ça même dans la voix, la tradition de la voix de Dieu. Parce que là, quand j'ai vu dans la traduction de Shekinah, c'est pas bien traduit. Un verset il est passé et ça peut être en confusion. Alors, tournez les regards vers Jésus. Péché le 29 décembre 1963. Alors maintenant, je veux vous dire quelque chose. Rien que je n'ai pas dit jusqu'ici. Voici. C'est que la chose que nous attendions depuis si longtemps. Depuis bien des années. Au moins 4 ou 5 ans peut-être. Le troisième tour a maintenant été confirmé. Le mot pour veut dire attraction. Abraham a expliqué toujours que Dieu est parfait en toi. Et tout ministère évolue encore pour lui. Il marche, évolue à travers trois attractions. Le premier pôle, généralement, c'est le signe Lapa. Avec le signe de la guérison divine. La guérison des maladies. Et le deuxième Paul est un pôle prophétique. L'esprit de prophétie. Il travaille dans le ministère. Voyez, le discernement. Le dévoilement des pensées. Et le troisième pôle, là, c'est l'ouverture de mystère. Ou alors, la prédication aux âmes perdues. Là, c'est la manifestation de la parole. L'ouverture du mystère. Le troisième pôle. C'est le sommet et dernier étape. Le troisième pôle a maintenant été confirmé. Et je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Maintenant, si j'ai demandé à mon auditoire ici, connaissez-vous ce que c'est que le troisième pôle? Vous, tabernacle de chrétiens. Parce que pour le bonhomme, tabernacle, trop bonhomme dit qu'il est sûr. Eux tous là savaient de quoi il s'agit. Vous, tabernacle de chrétiens. Connaissez-vous ce que c'est que le troisième pôle? Qui connaît les peuples les droits? Le troisième pôle. La troisième attraction. Une sœur un frère, deux frères, c'est fini. Deux frères et une soeur. Oui, une soeur et deux frères. Peut-il nous dire brièvement, frère Jean, quand appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. La parole créative. Qui dit encore mieux, qui peut ajouter, frère Gabriel, par l'ouverture de la parole, et cette parole peut créer. Quand il s'agit du troisième pôle, ça peut créer les organes dans le corps humain. Ça peut créer des créatures vivantes, telles que les écureuils ou un poisson, ou une chèvre, pour tabac, ou un bélier, pour qu'Abraham l'offre en sacrifice. Troisième pôle. Hein? Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il n'y a que deux frères. Nous avons déjà enseigné ça ici. Peut-être que pas ici sur Sokwela. Nous sommes ici sur Sokwela. C'est déjà 2017 jusqu'à maintenant. Ça fait déjà bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Mais pendant les 15 années là-bas, 15 années, pour que vous, les vétérans, les anciens de l'église, vous les maîtrisiez. Sachez que Dieu a un programme. Nous ne marchons pas vers Ikeva. Nous n'allons pas vers l'inconnu. Mais nous allons vers une terre de promesses que la parole a déjà décrite. Alors, je suis sûr que vous tous, vous savez de quoi il s'agit. Prononce la parole. La parole peut créer des choses. Elle peut produire un miracle immédiat. Elle peut déplacer une montagne. Comme c'est écrit dans la Bible. Elle peut déplacer un figuier. Comme c'est écrit dans la Bible. Elle peut créer des créatures. Comme c'est arrivé dans le ministère. C'est étrange, mais c'est l'œuvre de Dieu. Selon Esaïe 28, verset 21, l'œuvre étrange de Dieu. Maintenant, je vais au paragraphe 39. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation de ça. Parce que ce n'est pas possible. Voyez-vous? Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais d'imitation de ça. Quand quelqu'un vous amène un faux troisième poule, vous savez ce que c'est. Voyez-vous? Il n'y aura jamais d'imitation de ça. Parce que ce n'est pas possible. Voyez-vous? Ce n'est pas possible. Maintenant, il a vu le jour. Et j'ai été prévenu de ceci, que bientôt, hein, vous suivez, et j'ai été prévenu de ceci, que bientôt, à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que ce conseil ne commencera pas à se faire. Suivez attentivement. L'extrait ici, c'est ce qui a posé problème dans la traduction de ce livre. Là, ils ont dit, c'est déjà accompli, c'est déjà arrivé. Mais dans la traduction de Suisse, au lieu de dire, j'ai été prévenu, le prophète dit, J'ai été averti. Que ce troisième poule s'accomplira prochainement. Vous suivez la formulation dans l'église afin qu'il puisse identifier sa présence parmi nous. Pour que le troisième poule identifie la présence de Dieu parmi son peuple dans l'église. Mais que cela devait se produire prochainement. Regardez les autres catégories. J'ai été prévenu que bientôt, à l'heure actuelle, voilà, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier parmi nous. Mais maintenant, pourquoi il a déjà été prévenu? J'ai été prévenu. C'est dit là. Prévenu, c'est pour annoncer un événement à venir. Afin qu'il ne se réalise concrètement. Il est prévenu. Mais maintenant, ici, traduit. Qu'à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi nous. En traduisant comme ça, ça montre que le troisième pôle, même du vivant de Frère Branham, pendant le déroulé de son ministère, confirmer et identifier la présence de Dieu dans son église. Amen. Mais l'aspect qui échappe ici, c'est que la même chose doit se reproduire prochainement dans l'église. Pour confirmer la même chose. Pour confirmer, identifier la présence promise de Dieu. Dieu le Créateur. Vous verrez ça, ses réalisations concrètement parmi nous ici, dans son église. Vous croyez, n'est-ce pas? Le même Dieu qui a permis qu'au cours d'une veillée de prière, un enfant ajoute des centimètres de sa taille. Ne voyez-vous pas ainsi? Dans une même nuit, ici dans cette église, l'enfant Denis Kaloumé, on était là-bas sur Niembo Kanaka, à la fin de l'année, Dieu a fait en sorte que sa taille augmente à niveau. Tu ne puisses égaler celui qui l'a dépassé encore. Caleb. Frère Caleb. Frère Ngoma Sessi Caleb. Il est devenu de longueur encore. Et Denis est resté en bas. Parce que c'était ainsi. C'était un signe. On ne dit pas que ça doit devenir un signe perpétuel. Et que Denis devait continuer à devenir géant, géant. Dieu donne un signe. Que plus tard, il sera encore mieux. Vous savez que par ce signe-là, par cette église, le Dieu créateur était présent. Mais qui peut faire croître? La Bible ne dit-elle pas que moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître? Amen. La Bible ne dit-elle pas dans la parabole de la semence, la semence de champ, et il en sera du royaume de Dieu comme quand un homme est allé jeter une semence en terre. Bon, qu'il dorme ou qu'il veille, Bon, cette semence qu'il a introduite dans les champs, elle va pousser une plante. Et ça va monter. Hein? Marc chapitre 4 ici. Marc 26 à 29. Il dit encore, il allait du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe. Et crois sans qu'il ne sache comment. Alors, je vais vous dire, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Mabele ekobotaka mbuma yango penza, liboso etanga, nasima moto, nasima masango, matondi katina moto, kasi soko masango ezali kotela, tango nini ekobanda kobuka yango, noki noki mpo ete elakana kobuka esili kokoka. L'homme ne sait pas comment, lui il est allé mettre la semence. Mais l'homme n'est pas celui qui se croit. Il y a une force invisible qui agit dans le grain, à travers la terre, et qui fait que la chose pousse et croître. Et la force est de Dieu. C'est Dieu qui fait croire. Dans Ecclésiastes chapitre 11, la Bible dit ceci, verset 4 et 5. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si tu veux s'aimer, ne te laisse pas décourager par le vent. Oh, il batte beaucoup, le vent va soulever le vent. Va s'aimer. Malgré tout. Va s'aimer. Et si tu observes le mouvement des nuages, c'est plein de soldis pour aller au champ, mais tu ne moissonneras jamais. Viens impérieux. Sors même sous la pluie. Dieu verra ton cœur et bénira ton travail. Il nous faut le courage et la détermination. Alors Dieu dit, au verset 5, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les choses dans le ventre de la femme. C'est Dieu qui fait croître. Il est le créateur. Toi, si tu as quelque chose à faire, fais-le. Ne crains pas les mauvais sorts, l'échec. Ou que ça aille du mauvais côté. Le présent, c'est toi qui le gères. Appartient à Dieu. Si tu as un programme, avance. Qu'il y ait échec ou réussite, concours à ton bien. Sois calme et confiant en Dieu. C'est lui Dieu qui fait croître. De la même façon, ici dans les choses du royaume de Dieu, attendons-nous à lui. Soyons certains de Dieu. Avançons avec la pensée sur le troisième. Il doit identifier sa présence parmi nous. Il vous a déjà donné vous un signe. voyez que ce n'est pas tous les jours que ça vient. Ce sont des cas étranges. Êtes-vous là? C'est étrange. La manifestation de la colonne fait dans l'église, ce n'est pas une chose de pêle-mêle. C'est étrange. Vous allez faire comme ça. À des moments précis, c'est celui qui a des yeux fait voir. Celui qui garde l'incrédulité, que le Seigneur vienne au secours de sa petite voix. Et j'ai été prévenu de ces bientôt, à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'elle puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que ce conseil ne commencera pas à serrer la vie. Dans la traduction de Suisse, ceci est rendu comme ceci. Mais ce troisième point ne sera pas utilisé de manière importante avant que ce conseil écuménique des églises ne renforce sa pression. Donc sa pression contre les églises, contre les croyants de cet âge. Ok. Il dit, les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais pourtant, le troisième poule ne sera jamais imité. Et jusque-là, nous devons faire quelque chose. Quand nous allons témoigner, alors quelqu'un là-bas, oh, nous on fait dans notre église, alléluia, nous allons faire quelque chose. C'est pour embrouiller. Mais quand la plénitude des choses viendra, pour marquer la fin de l'œuvre de la rédemption, pour mettre la signature finale dans l'église, il n'y aura plus d'imitation. Rav Branham dit que toutes les bouches des critiques seront fermées. Il dit que cela se passera en un moment, en un temps court. Ce sera une courte période. Ça se passera dans une période courte. Dieu fera encore des choses par nous. Avant notre enlèvement. Croyez-vous ça? C'est ce que j'ai dit. Préparez-vous. Séparez-vous de souillure, de l'impureté, de l'ivrognerie, des ivresses, du tabagisme, de la toxicomanie, toutes les drogues, abandonner ses folies, copinage, fornication, impuricité, adultère, séparez-vous. Amen. Dieu veut vous utiliser. Ce sera un temps court. Et je ferai de grandes choses qui balayeront la terre. Notre foi atteindra le sommet. Je pense que Dieu l'a créé là. Quand la foi, personne ne sera enlevé. Quand la foi de l'enlèvement, ça doit être une foi créatrice avec laquelle nous pourrons posséder un nouveau corps. Les pentecôtistes ont, ils peuvent imiter presque tous les choses. Mais quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez vu, temporairement. Tout le monde suit. Ce que vous avez vu, temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez. Quatre fois, Malamine. Bonjour, Amen. C'est une promesse. Dans le cadre toujours des Aïe 28, notre âme a accompli une part dans cela. Mais ça n'est pas complètement clôturé. Cette œuvre que lui devait accomplir, voilà. Quand ça devait atteindre le sommet, la croix de la croix. La tumeur, la grosseur qui était dans la main de sa femme. Avant que la main du médecin ne la touche, que la main du Seigneur Dieu la touche d'abord. Il est arrivé au rendez-vous de l'opération. Il est entré dans la salle opératoire. Le médecin a mis ses gants et tout. Il est confirmé. Mais quand il les examine, pas de trace. La tumeur a disparu. Pourquoi le créateur des choses, il peut faire disparaître les choses. Il appelle des choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Il peut aussi considérer celles qui sont comme si elles sont meilleures. Les deux choses, notre Dieu créateur fait ça. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et elles apparaissent. Il peut renier ce qui est là. Et ça disparaît. Tu as un Dieu exceptionnel. Un Dieu incomparable. Dieu des miracles. Dieu de sa parole. Ce que vous voyez temporairement, même si c'est un petit signe, nous avons la promesse. Le Seigneur, l'ange averti la promesse. Le prophète a fait sa part. L'église, n'oublie pas. Tu n'es pas de l'essai. Tu n'es pas inutile. Est-ce que vous intégrez ça pour votre marche intérieure? Que Dieu vous amène et vous conduit vers ça. Ce que vous avez dit temporairement, vous le verrez alors se manifester dans la plénitude de sa puissance. Ça servira à quoi? À confirmer la présence de Dieu au milieu de nous. Il faut avoir été taillé, formé, déterminé au temps. Nous ne pourrons pas l'expérimenter. Tous ceux qui ne sont pas sous de bien ministères ne pourront pas l'expérimenter. L'œuvre du ministère doit venir dans la suite de ce Amen. Quand vous n'êtes pas connecté au ministère de l'île prophète, Dieu fait tout d'après son plan. Regardez maintenant. Je vous ai déjà démontré que le peuple Branham a expérimenté le bruit. Comme le bruit n'est pas dans les feuilles de mille. Vous vous rappelez, non? Maintenant, écoutez une prière qu'il fait ici. Oh, mes chers amis. Dans le messager du soir, ou le messager du temps de la fin, a été prêché en janvier 1963. Je pense le 16 janvier 1963. Le messager du soir ou le messager du temps de la fin. Paragraphe 300 et 301. Il fait une prière. Bénis tous les prédicateurs qui sont assis ici et leurs églises. Moi aussi j'ai dit Amen. Parce que la parole est prêchée pour mon âme. J'ai dit Amen pour vous aussi. Parce que la parole est prêchée pour nos âmes. Ce n'est pas écrit comme une histoire. À ne plus revivre. Bénis tous les prédicateurs qui sont assis ici et les églises. Et qu'il y ait une grande secousse. Oulanda. Ou un bruit dans les myriers de l'Esprit de Dieu traversant Phénix et amenant les églises à la communion et à un grand réveil pour que les prédicateurs ne seront plus à mesure de prêcher à cause de la gloire de Dieu. Mais quand les saints se rassembleront au début de l'après-midi avec des cris et des prières, des témoignages et des messages, juste une vraie efficience de l'Esprit, et que toute la ville sera attirée à venir. Écoutez, accorde-le maintenant. Le bruit de pas dans les feuilles de vie. Mais David avait vécu. David a vécu. Branham a vécu à l'âge de Jésus. Il prie ici que Dieu l'accorde encore à travers tous les prédicateurs. Est-ce que vous pensez qu'il priait pour les dénominationnels? Ici c'est le même esprit de prophétie. Il faut voir la caractéristique. Il s'agit de tous les prédicateurs. Comment y aura-t-il des prédicateurs? Ils ne sont pas envoyés. Allez dans la profondeur biblique. Les prédicateurs d'occasion, l'esprit de prophétie, c'est ce que Dieu a envoyé. La prière veut que Dieu les bénisse tous. Et qu'il y ait une grande secousse. Une telle manifestation de la gloire de Dieu qui ferait qu'il ne soit même plus capable de prêcher. Un peu comme quand la colonne de nuée est entrée dans le temple. Au temps de Moïse et au temps de Salomon, la tente, le lieu très cher, est rempli de fumées, est devenu des ténèbres. Les sacrificateurs sont sortis de là. Ils ne pouvaient plus accomplir un seul sacrifice. La puissance et la présence de Dieu, littéralement, est tellement grande. Ils sont tous arrêtés. Nous sommes restés là qu'à louer Dieu. L'adorer. Et maintenant, Frère Branham prie la même manière. Pour que cette chose-là se reproduise. Un grand réveil. Une grande secousse. Qui mettra les églises en communion. Et les prédicateurs ne seront plus capables de prêcher. À cause de cette grande présence de Dieu. Mais quand les saints vont se rassembler, ça ne sera plus pour écouter les prédicateurs. Parce que le temps de prédication sera passé. Nous serons dans la démonstration. Nous serons dans la phase finale. Nous serons dans la phase terminale. C'est l'œuvre de la rédemption de l'église. Est-ce que vous pouvez dire ça? On ne pourra plus prêcher. Mais quand nous allons nous rassembler, c'est une intense communion. Ce sont des témoignages. Ce sont des messages. Ce sont des cris. Ce sont des prières. Et pourquoi nous serons allés? Quelle prière que Dieu aide mon frère et ma soeur à voir que tu vois ça venir. Dieu a un plan merveilleux. Il veut faire quelque chose de merveilleux et ne ratez pas ça. Une fusion vient, une vraie effusion de l'esprit. C'est la dernière pluie que nous croyons, c'est la dernière pluie que je vis venir. Viendra. Préparez-vous, frère. Mangez correctement. Pour que vous soyez en pleine forme. On parlera sans 301. Guéris les malades. Qui sont parmi nous. Seigneur, accorde-leur la délivrance. Père, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est aussi valable pour vous? Voyez-vous l'esprit de prophétie? Il est fait aussi pour vous. Tirez dedans les meilleures vitamines que vous pouvez, les meilleures protéines que vous pouvez, la meilleure foi que vous pouvez. Que Dieu bénisse cette portion. Élevons-nous pour la prière. Mon cœur, le feu divin, les larmes, mon cœur, le feu divin, brûle en mon cœur. Le feu divin, brûle en mon cœur. Le feu divin, brûle en mon cœur. Le feu divin, brûle en mon cœur. Le feu divin brûle à mon cœur. Le feu divin brûle à mon cœur. Chemin Jésus d'être mon cœur. Chemin Jésus d'être mon cœur. Je mets Jésus d'être mon cœur. Je mets Jésus d'être mon cœur. Mon cœur le loue avec ferveur. Mon cœur le loue avec ferveur. Mon cœur le loue avec ferveur. Mon cœur le loue avec ferveur. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient chercher, je serai bien pour me chercher. Je serai bien pour me chercher. On reçoit le de ton cœur. On reçoit le de ton cœur. On reçoit le de ton cœur. On reçoit le de ton cœur. Je le reçois avec bonheur. Je le reçois avec bonheur. Je le reçois avec bonheur. Je le reçois avec bonheur. Prions chacun. C'est toujours l'Ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'Angèle, donnez-moi l'Angèle, donnez-moi l'Angèle. Il est si bon pour moi, il mettra fin à tes mensonges, te sauvera de la mort, fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi, donnez-moi la angile, donnez-moi la angile, donnez-moi la. Il est si bon pour moi, il est bon, je n'en veux d'autre. Il me fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi, donnez-moi la angile, donnez-moi la angile, donnez-moi la. L'évangile, il est si bon pour moi, il est si bon pour nos pères, si bon pour Paul et Silas, il est très bon pour ses frères, il est si bon pour moi, donnez-moi là, l'évangile, donnez-moi là, l'évangile, donnez-moi là. L'évangile, il est si bon pour moi, il est très bon dans la fournaise, mais fait aimer mon prochain, la gira quand je mourrai, nous amènera au ciel. Donnez-moi l'évangile, donnez-moi l'évangile, donnez-moi l'évangile, il est si bon, oui, donnez-moi, Père, donnez-moi, pour l'Église, donnez-moi, l'ancien évangile, il est si bon pour, oui, donnez-moi, l'évangile, donnez-moi, pour l'évangile, donnez-moi, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Père de sainteté, tu es saint. Tu veux que nous soyons saints. Comme toi-même tu es saint. Tu es le Dieu d'Abraham. Le Père de la foi. Père de notre foi. Devant toi, Dieu le Créateur. Qui appelle les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. Et qui appelle celles qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu es celui qui réduit à néant les choses qui sont. Et qui peut relever les choses à toi. Donner de la valeur à celles esprits qui sont rejetés. Il est le Dieu de transformation. Il change ma vie. Et je vous fais des miracles. Que ton nom soit adoré, Jésus-Christ. Mange à toi, Jésus-Christ. Tu es le Dieu de Branham. De Branham. Que tu as envoyé pour ramener la foi des enfants à l'intérieur. Restaurer la foi. Et nous sommes bénéficiaires de ça. Nous l'avons vu pas. Ouvre les yeux des aveugles. De ceux qui ne le savent pas. Ceux qui n'ont pas encore vu cela. Comme tu avais manifesté ta voix à Moïse. Tu as manifesté ta voix à nous. Et cela a été créé ainsi. Nous te sommes reconnus. Et nous te laisserons toute notre vie. Maintenant et pour toujours. Rends nos cœurs en catamaran. Alors que tu as fait une promesse solennelle. Depuis Esaïe 23. Le verset 21. Donc tu nous nourris ce dernier temps. Diversement. Père. Ouvre ce passage à chacun. Que chacun réalise que tu as un programme. Que tu as pris des résolutions. Que tu as un plan. Que tu respectes. Que chacun réalise cela. Et soit fortifié puissamment dans le matériel. Pour ne plus jamais douter. Ni de la puissance de Dieu. Ni de la présence de Dieu. Car il est écrit que tu n'es pas loin de chacun des noms. Et le troisième pour la éternité. Et il sera encore puissamment manifesté dans la plénitude de notre esprit. Merci Seigneur pour ce promesse. Ouvre-la à chacun des nous. Que chacun saisisse et comprenne. Et soit motivé à marcher jusqu'au bout. Pour ne pas rater des moments merveilleux. Que tu annonces par ton prophète. Ce moment court. Cette période courte durée. Pendant laquelle tu fermeras toute ta bouche. Pour identifier ton peuple. Dans ton peuple. Et présenter à la face du monde. C'est qui l'église épouse. Dieu de grâce. Dieu de Jésus-Christ. Fais-nous les mêmes grâces. Tu avais écouté la voix de Josué. Et tu écouteras notre voix. Tu es le même Dieu. Tu as écouté la voix de Branham. Tu écouteras aussi notre voix. Ce que nous dirons, tu l'honoreras. Tu le confirmeras. Jusqu'à déplacer les montagnes. Déplacer les arbres. Appeler les choses à l'existence. Prépare-nous dans ces choses. C'est grâce à chacun que la petite foi dont nous avons soit guérie. Croître. Agrandis cette foi, Seigneur. Croître le sommeil. Afin que les rendez-vous de l'enlèvement soient vraiment notre héritage. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et te confions chacun de nous pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur Dieu soit loué.